Paul Flanders, cinquième partie. Il faut qu'ici je revienne un peu en arrière, à l'endroit où j'ai interrompu. Le frère aîné étant venu à bout de moi, son premier soin fut d'entreprendre sa mère. Et il ne cessa qu'il ne l'eût amené à se soumettre, passive au point de n'informer le père qu'au moyen de lettres écrites par la poste. Si bien qu'elle consentit à notre mariage secret et se chargea d'arranger l'affaire ensuite avec le père. Puis il cajola son frère et lui persuada qu'il lui avait rendu un inestimable service. Se vanta d'avoir obtenu le consentement de sa mère, ce qui était vrai, mais n'avait point été fait pour le servir, mais pour se servir soi-même. Mais il le pipa ainsi avec diligence, et eut tout le renom d'un ami fidèle pour s'être débarrassé de sa maîtresse en la mettant dans les bras de son frère pour en faire sa femme. Si naturellement les hommes renient l'honneur, la justice et jusqu'à la religion pour obtenir de la sécurité. Il me faut revenir maintenant au frère Robin, comme nous l'appelions toujours, et qui, ayant obtenu le consentement de sa mère, vint à moi tout gonflé de la nouvelle et m'en dit l'histoire avec une sincérité si visible que je dois avouer que je fus affligé de servir d'instrument à décevoir un si honnête gentilhomme. Mais il n'y avait point de remède. Il voulait me prendre, et je n'étais pas obligé de lui dire que j'étais la maîtresse de son frère, quoique je n'eusse eu d'autre moyen de l'écarter. De sorte que je m'accommodai peu à peu, et voilà que nous fûmes mariés. La pudeur s'oppose à ce que je révèle les secrets du lit nuptial. Mais rien ne pouvait être si approprié à ma situation que de trouver un mari qui eût la tête si brouillée en se mettant au lit qu'il ne pût se souvenir le matin s'il avait eu commerce avec moi ou non. Et je fus obligée de le lui affirmer, quoiqu'il n'en fût rien, afin d'être assurée qu'il ne s'inquiéterait d'aucune chose. Il n'entre guère dans le dessein de cette histoire de vous instruire plus à point sur cette famille et sur moi-même pendant les 5 années que je vécus avec ce mari, sinon de remarquer que de lui j'eus 2 enfants et qu'il mourut au bout des 5 ans. Il avait vraiment été un très bon mari pour moi, et nous avions vécu très agréablement ensemble. Mais comme il n'avait pas reçu grand-chose de sa famille, et que, dans le peu de temps qu'il vécut, il n'avait pas acquis grand état, ma situation n'était pas belle, et ce mariage ne me profita guère. Il est vrai que j'avais conservé les billets du frère aîné, où il s'engageait à me payer 500 livres pour mon consentement à épouser son frère, et ces papiers, joints à ce que j'avais mis de côté sur l'argent qu'il m'avait donné autrefois, et environ autant qui me venait de mon mari, me laissèrent veuve avec près de 1 200 livres en poche. Mes 2 enfants me furent heureusement ôtés de dessus les bras par le père et la mère de mon mari. Et c'est le plus clair de ce qu'ils eurent de Madame Betty. J'avoue que je n'éprouvais pas le chagrin qu'il convenait de la mort de mon mari, et je ne puis dire que je ne l'ai jamais aimé comme j'aurais dû le faire, ou que je répondis à la tendresse qu'il montra pour moi, car c'était l'homme le plus délicat, le plus doux et de meilleure humeur qu'une femme pût souhaiter. Mais son frère, qui était si continuellement devant mes yeux, au moins pendant notre séjour à la campagne, était pour moi un appât éternel. Et jamais je ne fus au lit avec mon mari que je ne me désirasse dans les bras de son frère. Et bien que le frère ne fît jamais montre d'une affection de cette nature après notre mariage, mais se conduisit justement à la manière d'un frère, toutefois il me fut impossible d'avoir les mêmes sentiments à son égard. En somme, il ne se passait pas de jour où je ne commisse avec lui adultère et inceste dans mes désirs, qui, sans doute, étaient aussi criminels que des actes. Avant que mon mari mourût, son frère aîné se maria, et comme à cette époque nous avions quitté la ville pour habiter Londres, la vieille dame nous écrivit pour nous prier aux noces. Mon mari y alla, mais je feignis d'être indisposée, et ainsi je pus rester à la maison. Car, en somme, je n'aurais pu supporter de le voir donner à une autre femme, quoique sachant bien que jamais plus je ne l'aurais à moi. J'étais maintenant, comme je l'avais été jadis, laissée libre au monde, et, étant encore jeune et jolie, comme tout le monde me le disait, et je le pensais bien, je vous affirme, avec une suffisante fortune en poche, je ne m'estimais pas à une médiocre valeur. Plusieurs marchands fort importants me faisaient la cour, et surtout un marchand de toile qui se montrait très ardent, et chez qui j'avais pris logement après la mort de mon mari, sa sœur étant de mes amies. Là, j'eus toute liberté et occasion d'être gai et de paraître dans la société que je pouvais désirer, n'y ayant chose en vie plus folle et plus gaie que la sœur de mon hôte, et non tant maîtresse de sa vertu que je le pensais d'abord. Elle me fit entrer dans un monde de société extravagante, et même emmena chez elle différentes personnes à qui il ne lui déplaisait pas de se montrer obligeante pour voir sa jolie veuve. Or, ainsi que la renommée et les sots composent une assemblée, je fus ici merveilleusement adulé. J'eus abondance d'admirateurs et de ceux qui se nomment amants. Mais dans l'ensemble, je ne reçus pas une honnête proposition. Quant au dessein qu'ils entretenaient tous, je l'entendais trop bien pour me laisser attirer dans des pièges de ce genre. Le cas était changé pour moi. J'avais de l'argent dans ma poche et n'avais rien à leur dire. J'avais été prise une fois à cette piperie nommée amour, mais le jeu était fini. J'étais résolue maintenant à ce qu'on m'épousât, sinon rien, et à être bien mariée ou point du tout. J'aimais, en vérité, la société d'hommes enjoués et de gens d'esprit, et je me laissais souvent divertir par eux, de même que je m'entretenais avec les autres. Mais je trouvais, par juste observation, que les hommes les plus brillants apportaient le message le plus terne. Je veux dire le plus terne pour ce que je visais. Et d'autre part, ceux qui venaient avec les plus brillantes propositions étaient des plus ternes et déplaisants qui fussent au monde. Je n'étais point si répugnante à un marchand, mais alors je voulais avoir un marchand, par ma foi, qui eût du gentilhomme, et que, lorsqu'il prendrait l'envie à mon mari de me mener à la cour ou au théâtre, il sût porter l'épée et prendre son air de gentilhomme tout comme un autre, et non pas sembler d'un croquant qui garde à son juste au corps la marque des cordons de tablier ou la marque de son chapeau à la perruque, portant son métier au visage, comme si on l'eût pendu à son épée au lieu de la lui attacher. Eh bien, je trouvai enfin cette créature amphibie, cette chose de terre et d'eau qu'on nomme gentilhomme marchand. Et comme juste punition de ma folie, je fus pris au piège que je m'étais pour ainsi dire tendu. C'était aussi un drapier, car bien que ma camarade m'eût volontiers entreprise à propos de son frère, il se trouva, quand nous en vînmes au point, que c'était pour lui servir de maîtresse, et je restai fidèle à cette règle qu'une femme ne doit jamais se laisser entretenir comme maîtresse si elle a assez d'argent pour se faire épouser. Ainsi ma vanité, non mes principes, mon argent, non ma vertu, me maintenait dans l'honnêteté, quoique l'issue montrât que j'eusse bien mieux fait de me laisser vendre par ma camarade à son frère que de m'être vendu à un marchand qui était bélitre, gentilhomme, boutiquier et mendiant tout ensemble. Mais je fus précipité par le caprice que j'avais d'épouser un gentilhomme à me ruiner de la manière la plus grossière que femme au monde. Car mon nouveau mari, découvrant d'un coup une masse d'argent, tomba dans des dépenses si extravagantes que tout ce que j'avais, joint à ce qu'il avait, n'y eut point tenu plus d'un an. Il eut infiniment de goût pour moi pendant environ le quart d'une année, et le profit que j'en tirai fut d'avoir le plaisir de voir dépenser pour moi une bonne partie de mon argent. « Allons, mon cœur, me dit-il une fois, voulez-vous venir faire un tour à la campagne pendant 8 jours ?»« Eh, mon ami, dis-je, où donc voulez-vous aller ?»« Peu m'importe où, dit-il, mais j'ai l'envie de me pousser de la qualité pendant une semaine. Nous irons à Oxford, dit-il. Et comment irons-nous ? Dis-je, je ne sais point monter à cheval, et c'est trop loin pour un carrosse. Trop loin, dit-il, nul endroit n'est trop loin pour un carrosse à 6 chevaux. Si je vous emmène, je veux que vous voyagiez en duchesse. Dis-je, mon ami, c'est une folie, mais puisque vous en avez l'envie, je ne dis plus rien. Eh bien, le jour fut fixé. Nous eûmes un riche carrosse, d'excellents chevaux, cochers, postillons et 2 laquais en très belle livrée, un gentilhomme à cheval et un page avec une plume au chapeau sur un autre cheval. Tout le domestique que lui donnait du Monseigneur, et moi, j'étais sa grandeur la comtesse. Et ainsi nous fîmes le voyage d'Oxford, et ce fut une excursion charmante. Car pour lui rendre son dû, il n'y avait pas de mendiant au monde qui sût mieux que mon mari trancher du Seigneur. Nous visitâmes toutes les curiosités d'Oxford, et nous parlâmes à 2 ou 3 maîtres des collèges de l'intention où nous étions d'envoyer à l'université un neveu qui avait été laissé aux soins de sa seigneurie, en leur assurant qu'il serait désigné comme tuteur. Nous nous divertîmes à berner divers pauvres écoliers, de l'espoir de devenir pour le moins chapelain de sa seigneurie et de porter l'écharpe. Et ayant ainsi vécu en qualité, pour ce qui était au moins de la dépense, nous nous dirigeâmes vers Northampton et, en somme, nous rentrâmes au bout de 12 jours, la chanson nous ayant coûté 93 livres. La vanité est la plus parfaite qualité d'un fat. Mon mari avait cette excellence de n'attacher aucune valeur à l'argent. Comme son histoire, ainsi que vous pouvez bien penser, et de très petits pois. Il suffira de vous dire qu'au bout de 2 ans et quart, il fit banqueroute, fut envoyé dans une maison de sergent, ayant été arrêté sur un procès trop gros pour qu'il pût donner caution. De sorte qu'il m'envoya chercher pour venir le voir. Ce ne fut pas une surprise pour moi, car j'avais prévu depuis quelque temps que tout s'en irait à volo. Et j'avais pris garde de mettre en réserve, autant que possible, quelque chose pour moi. Mais lorsqu'il me fit demander, il se conduisit bien mieux que je n'espérais. Me dit tout net qu'il avait agi en sot et s'était laissé prendre où il eût pu faire résistance. Qu'il prévoyait maintenant qu'il ne pourrait plus parvenir à rien, que par ainsi, il me priait de rentrer et d'emporter dans la nuit tout ce que j'avais de valeur dans la maison pour le mettre en sûreté. Et ensuite, il me dit que si je pouvais emporter du magasin 100 ou 200 livres de marchandises, je devais le faire. « Seulement, dit-il, ne m'en faites rien savoir. Ne me dites pas ce que vous prenez ou vous l'emportez. Car pour moi, dit-il, je suis résolu à me tirer de cette maison et à m'en aller. Et si vous n'entendez jamais plus parler de moi, mon amour, je vous souhaite du bonheur. Je suis fâché du tort que je vous ai fait. » Il ajouta quelque chose de très gracieuse pour moi, comme je m'en allais. Car je vous ai dit que c'était un gentilhomme, et ce fut tout le bénéfice que j'en eus, en ce qu'il me traita fort galamment, jusqu'à la fin, sinon qu'il dépensa tout ce que j'avais et me laissa le soin de dérober à ses créanciers de quoi manger. Néanmoins, je fis ce qu'il m'avait dit, comme bien vous pouvez penser. Et ayant ainsi pris congé de lui, je ne le revis plus jamais. Car il trouva moyen de s'évader hors de la maison du bailli cette nuit ou la suivante. Comment, je ne le suis point, car je ne parvins à apprendre autre chose, sinon qu'il rentra chez lui à environ 3 heures du matin, fit transporter le reste de ses marchandises à la monnaie et fermer la boutique. Et, ayant levé l'argent qu'il put, il passa en France, d'où je reçus 2 ou 3 lettres de lui, point davantage. Je ne le vis pas quand il rentra, car m'ayant donné les instructions que j'ai dites, et moi ayant employé mon temps de mon mieux, je n'avais point d'affaire de retourner à la maison, ne sachant si je n'y serais arrêté par les créanciers. Car une commission de banqueroute ayant été établie peu après, on aurait pu m'arrêter par ordre des commissaires. Mais mon mari s'étant désespérément échappé de chez le bailliff, en se laissant tomber presque du haut de la maison, sur le haut d'un autre bâtiment d'où il avait sauté, et qui avait presque 2 étages, en quoi il manqua de bien peu se casser le cou, il rentra et emmena ses marchandises avant que les créanciers puissent venir saisir, c'est-à-dire avant qu'ils eussent obtenu la commission à temps pour envoyer les officiers prendre possession. Mon mari fut si honnête envers moi, car je répète encore qu'il tenait beaucoup du gentilhomme, que dans la première lettre qu'il m'écrivit, il me fit savoir où il avait engagé 20 pièces de fine Hollande pour 30 livres, qui valaient plus de 90 livres, et joignit la reconnaissance pour aller les reprendre en payant l'argent, ce que je fis. Et en bon temps, j'en tirai plus de 100 livres, ayant eu loisir pour les détailler et les vendre à des familles privées, selon l'occasion. Néanmoins, ceci compris, et ce que j'avais mis en réserve auparavant, je trouvai, tout compte fait, que mon cas était bien changé et ma fortune extrêmement diminuée. Car avec la toile de Hollande et un paquet de mousseline fine que j'avais emporté auparavant, quelque argenterie et d'autres choses, je me trouvais pouvoir à peine disposer de 500 livres. Et ma condition était très singulière, car bien que je n'eusse pas d'enfant, j'en avais eu un de mon gentilhomme drapier, mais il était enterré. Cependant, j'étais une veuve fée, j'avais un mari et point de mari, et je ne pouvais prétendre me remarier, quoique sachant assez que mon mari ne reverrait jamais l'Angleterre, dût-il vivre 50 ans. Ainsi, dis-je, j'étais en clause de mariage, quelle que fût l'offre qu'on me fît. Et je n'avais point d'amis pour me conseiller, dans la condition où j'étais, du moins à qui je pusse confier le secret de mes affaires. Car si les commissaires eussent été informés de l'endroit où j'étais, ils m'eussent fait saisir et emporter tout ce que j'avais mis de côté. Dans ces appréhensions, la première chose que je fis fut de disparaître entièrement du cercle de mes connaissances et de prendre un autre nom. Je le fis effectivement et me rendis également à la Monnaie, où je pris logement en un endroit très secret, m'habillai de vêtements de veuve et pris le nom de Madame Flanders. J'y fis la connaissance d'une bonne et modeste sorte de femme, qui était veuve aussi comme moi, mais en meilleure condition. Son mari avait été capitaine de vaisseau, et ayant eu le malheur de subir un naufrage à son retour des Indes occidentales, fut si affligé de sa perte que, bien qu'il eût la vie sauve, son cœur se brisa et il mourut de douleur. Sa veuve, étant poursuivie par les créanciers, fut forcée de chercher abri à la Monnaie. Elle eut bientôt réparé ses affaires avec l'aide de ses amis et reprit sa liberté. Et trouvant que j'étais là plutôt afin de vivre caché que pour échapper à des poursuites, elle m'invita à rentrer avec elle dans sa maison jusqu'à ce que j'eusse quelque vue pour m'établir dans le monde à ma volonté. D'ailleurs, me disant qu'il y avait 10 chances contre 1 pour que quelque bon capitaine de vaisseau se prît de caprice pour moi et me fît la cour en la partie de la ville où elle habitait. J'acceptai son offre et je restai avec elle la moitié d'une année. J'y serais resté plus longtemps si, dans l'intervalle, ce qu'elle me proposait ne lui était survenu, c'est-à-dire qu'elle se maria et fort à son avantage. Mais si d'autres fortunes étaient en croissance, la mienne semblait décliner, et je ne trouvais rien sinon 2 ou 3 bosmans et gens de cette espèce. Pour les commandants, ils étaient d'ordinaire de 2 catégories. Premièrement, tels qui, étant en bonnes affaires, c'est-à-dire ayant un bon vaisseau, ne se décidaient qu'à un mariage avantageux. Deuxièmement, tels qui, étant hors d'emploi, cherchaient une femme pour obtenir un vaisseau. Je veux dire, premièrement, une femme qui, ayant de l'argent, leur permit d'acheter et tenir bonne part d'un vaisseau pour encourager les partenaires, ou deuxièmement, une femme qui, si elle n'avait pas d'argent, avait du moins des amis qui s'occupaient de navigation et pouvait aider ainsi à placer un jeune homme dans un bon vaisseau. Mais je n'étais dans aucun des 2 cas. Et j'avais l'apparence de devoir rester longtemps en panne. Ma situation n'était pas de médiocre délicatesse. La condition où j'étais faisait que l'offre d'un bon mari m'était la chose la plus nécessaire du monde. Mais je vis bientôt que la bonne manière n'était pas de se prodiguer trop facilement. On découvrit bientôt que la veuve n'avait pas de fortune. Et ceci dit, on avait dit de moi tout le mal possible, bien que je fusse parfaitement élevée, bien faite, spirituelle, réservée et agréable, toute qualité dont je m'étais parée, à bon droit ou non, ce n'est point l'affaire. Mais je dis que tout cela n'était de rien sans le billon. Pour parler tout net, la veuve, disait-on, n'avait point d'argent. Je résolus donc qu'il était nécessaire de changer de condition et de paraître différemment en quelque autre lieu, et même de passer sous un autre nom si j'en trouvais l'occasion. Je communiquai mes réflexions à mon intime ami qui avait épousé un capitaine. Je ne fis point de scrupule de lui exposer ma condition toute nue. Mes fonds étaient bas, car je n'avais guère retiré que 540 livres de la clôture de ma dernière affaire, et j'avais dépensé un peu là-dessus. Néanmoins, il me restait environ 400 livres, un grand nombre de robes très riches, une montre en or et quelques bijoux, quoique point d'extraordinaire valeur, enfin près de 30 ou 40 livres de toile dont je n'avais point disposé. Ma chère et fidèle amie, la femme du capitaine, m'était fermement attachée, et sachant ma condition, elle me fit fréquemment des cadeaux selon que de l'argent lui venait dans les mains et tel qu'il représentait un entretien complet, si bien que je ne dépensais pas de mon argent. Enfin, elle me mit un projet dans la tête et me dit que si je voulais me laisser gouverner par elle, j'obtiendrais certainement un mari riche sans lui laisser lieu de me reprocher mon manque de fortune. Je lui dis que je m'abandonnais entièrement à sa direction et que je n'aurais ni langue pour parler ni pied pour marcher en cette affaire qu'elle ne m'eût instruite. Persuadée que j'étais qu'elle me tirerait de toute difficulté où elle m'entraînerait, ce qu'elle promit. Le premier pas qu'elle me fit faire fut de lui donner le nom de cousine et d'aller dans la maison d'une de ses parentes à la campagne, qu'elle m'indiqua, et où elle amena son mari pour me rendre visite, où, m'appelant sa chère cousine, elle arrangea les choses de telle sorte qu'elle et son mari tout ensemble m'invitèrent très passionnément à venir en ville demeurer avec eux, car ils vivaient maintenant en un autre endroit qu'auparavant. En second lieu, elle dit à son mari que j'avais au moins 1 500 livres de fortune et que j'étais assurée d'en avoir bien davantage. Il suffisait d'en dire autant à son mari. Je n'avais point à agir sur ma part, mais à me tenir coite et attendre l'événement, car soudain le bruit courut dans tout le voisinage que la jeune veuve chez le capitaine était une fortune, qu'elle avait au moins 1 500 livres et peut-être bien davantage, et que c'était le capitaine qui le disait. Et si on interrogeait aucunement le capitaine à mon sujet, il ne se faisait point scrupule de l'affirmer, quoiqu'il ne sût pas un mot de plus sur l'affaire que sa femme ne lui avait dit. En quoi il n'entendait malice aucune, car il croyait réellement qu'il en était ainsi. Avec cette réputation de fortune, je me trouvais bientôt comblé d'assez d'admirateurs où j'avais mon choix d'homme. Et moi, ayant à jouer un jeu subtil, il ne me restait plus rien à faire qu'à trier, parmi eux tous, le plus propre à mon dessein, c'est-à-dire l'homme qui semblerait le plus disposé à s'en tenir au oui-dire sur ma fortune et à ne pas s'enquérir trop avant des détails. Sinon, je ne parvenais à rien, car ma condition n'admettait nulle investigation trop stricte. Je marquai mon homme sans grande difficulté par le jugement que je fis de sa façon de me courtiser. Je l'avais laissé s'enfoncer dans ses protestations qu'il m'aimait le mieux du monde et que, si je voulais le rendre heureux, il serait satisfait de tout. Chose qui, je le savais, était fondée sur la supposition que j'étais très riche, quoique j'en eusse soufflé mot. Ceci était mon homme, mais il fallait le sonder à fond. C'est là qu'était mon salut, car s'il me faisait faux bond, je savais que j'étais perdu aussi sûrement qu'il était perdu s'il me prenait. Et si je n'élevais quelques scrupules sur sa fortune, il risquait d'en élever sur la mienne. Si bien que d'abord, je feignis à toutes occasions de douter de sa sincérité et lui dis que peut-être il ne me courtisait que pour ma fortune. Il me ferma la bouche là-dessus avec la tempête des protestations que j'ai dites, mais je feignais de douter encore. Un matin, il ôte un diamant de son doigt et écrit ces mots sur le verre du châssis de ma chambre. « C'est vous que j'aime et rien que vous. » Je lus et le priai de me prêter la bague avec laquelle j'écrivis au-dessous « En amour, vous le dites tous. » Il reprend sa bague et écrit de nouveau « La vertu seule est une dot. » Je la lui redemandai et j'écrivis au-dessous « L'argent fait la vertu plutôt. » Il devint rouge comme le feu de se sentir piqué si juste et, avec une sorte de fureur, il jura de me vaincre et écrivit encore « J'ai mépris pour l'or et vous aime. » J'aventurai tout sur mon dernier coup de dés en poésie, comme vous verrez, car j'écrivis hardiment sous son verre. Je suis pauvre et n'ai que moi-même. C'était là une triste vérité pour moi. Je ne puis dire s'il me crut ou non. Je supposais alors qu'il ne me croyait point. Quoi qu'il en fût, il vola vers moi, me prit dans ses bras, et me baisant ardemment et avec une passion inimaginable, il me tint serré, tandis qu'il demandait plume et encre, m'affirmant qu'il ne pouvait plus avoir la patience d'écrire laborieusement sur cette vitre. Puis, tirant un morceau de papier, il écrivit encore « Soyez mienne, en tout dénuement. » Je pris sa plume et répondis sur le champ. « Au fort, vous pensez, elle ment. » Il me dit que c'était là des paroles cruelles, parce qu'elles n'étaient pas justes, et que je l'obligeais à me démentir, ce qui s'accordait mal avec la politesse, et que, puisque je l'avais insensiblement engagé dans ce badinage poétique, il me suppliait de ne pas le contraindre à l'interrompre, si bien qu'il écrivit « Que d'amour seul soient nos débats. » J'écrivis au-dessous « Elle aime assez, qui ne hait pas. » Il considéra ce vers comme une faveur et mit bas les armes, c'est-à-dire la plume. Je dis qu'il le considéra comme une faveur, et c'en était une bien grande, s'il avait tout su. Pourtant, il le prit comme je l'entendais, c'est-à-dire que j'étais encline à continuer notre fleuretage, comme en vérité j'avais bonne raison de l'être, car c'était l'homme de meilleure humeur et la plus gaie que j'aie jamais rencontré. Et je réfléchissais souvent qu'il était doublement criminel de décevoir un homme qui semblait sincère. Mais la nécessité qui me pressait à un établissement qui convint à ma condition m'y obligeait par autorité. et certainement son affection pour moi et la douceur de son humeur, quelque haut qu'elle parlasse contre le mauvais usage que j'en voulais faire, me persuadait fortement qu'il subirait son désappointement avec plus de mansuétude que quelque forcené tout en feu qui n'eût eu pour le recommander que les passions qui servent à rendre une femme malheureuse. D'ailleurs, bien que j'eusse si souvent plaisanté avec lui, comme il le supposait, au sujet de ma pauvreté, cependant, quand il découvrit qu'elle était véritable, il s'était fermé la route des objections, regardant que, soit qu'il eût plaisanté, soit qu'il eût parlé sérieusement, il avait déclaré qu'il me prenait sans se soucier de ma dot, et que, soit que j'eusse plaisanté, soit que j'eusse parlé sérieusement, j'avais déclaré que j'étais très pauvre, de sorte qu'en un mot, je le tenais des deux côtés. Et quoi qu'il pût dire ensuite qu'il avait été déçu, il ne pourrait jamais dire que c'était moi qui l'avais déçu.